Chapitre 9e. Quand j'ouvre un œil, il est 10 heures à mon oméga. Je savais que j'allais traîner comme une feignasse ce matin. Bien qu'encore couché, j'ai déjà sur la tête une casquette en plomb. Dans l'estomac, un agglomérat de cacahuètes et de pistaches qui ne sont toujours pas descendus. Je n'aurais pas du temps me baffrer de saloperies et faire descendre le tout avec du whisky. Le mieux serait que j'aille m'en débarrasser vite fait. Si ça ne veut pas descendre, il vaut mieux que ça remonte. Allez, courage, t'en as vu d'autres, Gino. Ceci étant fait, ça va déjà un peu mieux. Le difficile maintenant, ça va être d'avaler 1 gramme d'aspirine, puis un café serré du tonnerre de Dieu. Par là-dessus, un grand bol d'air frais. Et il ne restera plus qu'à attendre que ça passe. 1 heure plus tard, j'ai la paupière encore basse, mais ça peut aller. Juste au moment où je mets le contact pour aller faire 1 ou 2 courses, un splendide cabriolet 504 Peugeot rouge fait son entrée dans le chemin. Au volant, Paula, cheveux au vent, me fait un petit signe de la main. Elle descend de la bagnole avec une aisance et une souplesse royale. Pendant qu'elle m'embrasse sur la joue gauche, je lui glisse. « Tu es belle à tomber par terre. » Ce à quoi elle me répond, touchant de ses lèvres mon oreille droite. « Tu n'as même pas le droit de lécher la vitrine, Bello. » Serge, qui sort de la maison, s'exclame. « Oh, fan ! Paula, t'as cassé la tirelire ? Tu veux me faire concurrence ?» C'est la voiture de Louis. Il me l'a prêtée parce que j'avais envie de vous voir. Quant à lui, il est complètement débordé, le pauvre. Raconte. Bah, hier soir, on venait juste de sortir de table quand un des gendarmes est venu le chercher Louis en catastrophe. Une femme venait d'être agressée en rentrant chez elle sur la route d'Avez par un gars qui a commencé à la tripoter dans le noir. Elle a pu s'en sortir grâce aux boîtes de petits pois qu'elle avait dans son sac. Elle lui a tapé dessus avec. Le type a été amoché sec, paraît-il, et il a pris la fuite. On a toujours besoin de petits pois sur soi. Et ils l'ont rattrapé. Oui, vers minuit. Il a bien fallu qu'il se fasse soigner et ils l'ont cueilli comme une fleur. D'après Louis, c'est un chauffeur de l'usine. Et la femme, quel âge? Jolie? La 40aine passée. Il a tout ce qu'il faut pour contenter un homme, d'après ce que m'a dit Louis. Comme toi, quoi. Moi, ce n'est pas un coup de sac que je vais te donner, idiot. Ce matin, le type a été déféré devant le juge. D'après Louis, il n'a rien à voir avec les précédents meurtres. Mais je ne vous raconte pas la pitoche des bonnes femmes maintenant. J'étais tout à l'heure à la boulangerie, ça frise l'hystérie. Je pensais hier soir à un mec simple, un peu bizarre. Contre toute attente, serait-ce notre homme? Non, pas de message annonciateur et puis, à moins que cet homme ait des revers de fortune, sans jugement péjoratif, un chauffeur en général ne s'exprime pas comme l'auteur des billets. Pas de coup de tampon. C'est simplement un assoiffé à qui le serial killer a donné des idées. N'empêche que ça fait monter la pression et l'assassin véritable de bander de délectation. L'après-midi, vers 4 heures, Gilda et moi nous pointons chez Sarah. Lorsqu'elle ouvre la porte, notre présence déclenche chez elle un sourire à retardement. Prolongeant ce rictus, elle nous invite à entrer. Un rapide coup d'œil circulaire nous fait découvrir que le mobilier et la décoration ne correspondent pas du tout au côté baroudeur de la propriétaire. Des meubles anciens et foncés, des rideaux épais vert anglais, les murs constellés de petits cadres, tous plus laids les uns que les autres, même des photos de Jérusalem sur la cheminée. Je n'aurais pas imaginé cette prof de gym éprise de grand air dans un cadre aussi compassé et ringard. Percevant notre étonnement, elle croit devoir s'en expliquer. « Je sais, ça ne me ressemble pas. » Mais je n'ai pas eu le courage de changer quoi que ce soit ici. L'appartement est tel que ma mère me l'a laissé. Je n'ai pas enlevé un seul objet. Il faut dire que je n'y reste que peu de temps. Je suis si souvent dehors. Sur le piano, je remarque une photo en noir et blanc des parents, certainement. À côté, une autre photo, plus grande, montre deux jeunes filles souriantes, assez jolies dans leur robe à jupons en carreau Vichy, style bébé. Surprenant mon regard, Sarah me fait. Eh oui, c'est moi, avec ma sœur. « Vous ressemblez tellement. Vous êtes jumelles ?»« Non, nous avions 11 mois d'écart. Elle a disparu, malheureusement. » Gilda et moi n'osons pas lui demander pour l'instant la cause de cette disparition. En tout cas, ce détail a plombé la conversation. Gilda se sent obligée de relancer la machine. « Remarquez, c'est pas mal non plus de vivre dans ces souvenirs. Après tout, on a tous un héritage spirituel et affectif, et il ne faut pas en avoir honte. » Cette fois, Sarah décoche à Gilda un vrai sourire, il lui pose même sa main sur l'épaule. « C'est vrai, mais bon, il faut aussi savoir tourner la page. Vous voulez un café ? et contre toute attente, au milieu du plan de travail de la cuisine, trône la rose du percolateur italien. Remarquant mon sourire, elle me fait « Il faut bien que je dépense mon pognon d'une façon ou d'une autre. C'est mon seul luxe. » Installé au salon salle à manger, nous commençons à parler de tout et de rien, ce qui est facile à dire, mais moins facile à faire, surtout quand on a une idée derrière la tête. Au détour d'une conversation anodine, pour bénéficier du plus grand effet de surprise, je sors de ma poche le dessin que j'avais fait à la couverture rade et le montre à Sarah. « En fait, ça te dit quelque chose, ça ?» Elle scrute mon gris-gris sans que seuls des muscles de son visage ne tressaillent. « Oui, » finit-elle par dire, avec un sourire attendri, « mais de commande. Ça remonte à des années en arrière. C'est un cobra, c'est ça ?»« Oui, je crois. » « Et alors, qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?»« Eh bien, ce que ça te rappelle, puisqu'apparemment tu te souviens de quelque chose. » Elle ne répond pas suffisamment vite à mon goût. Au bout de quelques longues secondes, elle finit par lâcher. C'était au lycée. Nous étions une bande de copains. Et on avait formé un club avec ses codes, ses secrets. On avait choisi comme emblème ce serpent, parce que nous avions trouvé sur le marché un type qui vendait des tampons assez chouettes. On avait appelé notre bande le club du Naja, placé sous le signe du S, fait en riant. S comme secret, comme silence, comme serpent. Le serpent du péché, du plaisir. On avait même choisi comme devise In cauda venenum, alors que ce n'est pas le cas du cobra. Bon. Enfin, vous voyez les conneries qu'on peut inventer à 16-17 ans. On communiquait par billet signé du tampon au Naja et pour entrer dans le club, il fallait montrer patte blanche. Et vous étiez nombreux ? Oh non, je ne me souviens plus, peut-être 7 ou 8, pas plus. Mais pourquoi tu me demandes ça ? Comment en as-tu entendu parler ? Me fait-elle, soudain très agressive. Aïe, montée d'adrénaline. La tête dans le sac. Je courais un risque certain en attaquant si brutalement. « Ben, figure-toi, fait Gigi, qu'on a rencontré ce marchand à la couverture rade, et on a parlé un bon moment avec lui. Il s'est souvenu de cet épisode du Naja, et c'est lui qui nous en a parlé. Ça l'avait bien fait rire à l'époque. »« Merci, Gigi, mon amour. » Mais Sarah, elle n'a pas du tout l'air de rire de cette histoire. On dirait même qu'un mécanisme s'est brisé en elle. De toute évidence, l'atmosphère a pris un coup de froid. Gigi, bien brave, repart au combat. Moi, au lycée, j'avais monté une équipe de foot avec les copines. Eh ben, tu me croiras si tu veux, mais on a gagné les garçons plus d'une fois. Et en jouant réglo. Tiens, c'était même le prof de gym qui nous arbitrait. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer? T'as jamais essayé avec tes élèves? Rien à faire, Sarah ne se déride pas. Mes élèves, surtout les filles, pour leur faire bouger le cul, il faut une tractopelle. Bon, mais les jours comme ça, on est un peu lourd, genre pied dans le plat. Après quelques banalités sur le devenir de la cousine Valérie, nous prenons congé au soulagement visible de Sarah. En sortant de chez elle, nous nous rendons côte de Las à la gendarmerie, derrière le parc des Châtaigniers. Après les salutations aux gendarmes présents, nous montons à l'appartement de Louis. Nous y trouvons Paula en train de préparer un osso buco, les cornes à l'envers, car elle ne trouve pas les ustensiles dont elle aurait besoin. Putain, rare dans sa bouche. Ces cuisines de célibataire, c'est un enfer. Et en plus, il se prend pour un parfait cordon bleu. Je t'en foutrais, moi, du cordon bleu. Il cuisine avec les dents. Enfin, qu'est-ce qui vous amène, les enfants ? Gigi, qui a joué les Saint-Bernard dans ce que j'appellerais ma cagade, explique à sa mère notre visite chez Sarah et la façon désastreuse dont l'entrevue s'est terminée. Tout en manipulant casserole et couteau pour la rendre son verdict. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Et cette femme qui doit être intelligente t'a flairé, c'est sûr, Gino. Il faut que tu découvres comment la sœur a disparu. Et puis c'est fou, cet acharnement que tu mets à en faire une coupable. Cette Sarah m'a surtout l'air d'être malheureuse. Sur ces entrefaites, Louis entre dans l'appartement, sa journée finie, mais pas son service, car chacun sait qu'un gendarme est de service 24 heures sur 24. Nous le mettons tous trois rapidement au courant de nos derniers échanges. Paula a raison. Il faut découvrir les raisons de la disparition de la sœur et savoir le fin mot de l'histoire sur ce club du Naja. Moi, je n'ai pas d'autre moyen que d'enquêter avec nos gros sabots et nos uniformes, ce qui risque fort d'affoler la donzelle Sarah. Je n'ai pour l'instant aucun motif valable de la convoquer, à part te faire passer pour un indiqué un cafteur. C'était bien mon avis, lui dis-je. Je vais essayer de tirer les vers du nez à la cousine Valérie en invoquant les nécessités du service. C'est une chic fille. Je suis sûr qu'elle me dira ce qu'elle sait. De toute façon, fait Louis, il est presque certain que l'assassin est un des anciens membres de la bande. Sarah dit qu'ils étaient 7 ou 8. Ça devrait être facile de les retrouver rapidement, mais fais gaffe que ta Valérie n'aille pas mettre la puce à l'oreille de sa cousine. T'inquiète, je vais y aller mollo, comme un papillon sur une fleur. Macarel, poète avec ça. Au fait, tu te rappelles qu'un des amants de Denise s'était vaguement souvenu d'une histoire de serpent? Eh bien, il est repassé me voir, la mémoire lui étant revenue. Colette et Denise faisaient partie de cette bande, il en est certain. Lui n'a jamais voulu y entrer, bien qu'à l'époque, il tripotait déjà Denise. Il se souvient qu'il existait une espèce d'initiation pour être admis dans ce cercle. Chacun des membres prenait un nouveau prénom commençant par un S. Lui, ce qui l'intéressait, c'était Denise. Le reste, il s'en foutait comme de l'an 40. Nous connaissons donc déjà 3 membres, Colette, Denise et Sarah. Peut-être sa sœur en faisait-elle partie aussi. Ton témoin se souvient-il s'il y avait des garçons dans cette bande? Non. Je pense qu'il me l'aurait dit s'il s'en était souvenu. Enfin, il ne faudrait quand même pas que toutes celles qui en faisaient partie y passent. Dis-moi, Louis, et l'empreinte de pneu que je t'ai filée, qu'est-ce que ça a donné? Ah oui, c'est vrai. À propos, d'où elle vient cette empreinte? Réponds d'abord à ma question, camarade. Après, je te le dirai. Ben, c'est exactement la même empreinte. Alors, où tu l'as trouvée? Figure-toi que c'est le pneu du vélo qu'avait Maud quand elle est venue nous voir l'autre fois. Mais ne nous affolons pas, parce que ce vélo fait partie de l'équipement du centre et toutes les bécanes sont identiques. Ça ne signifie donc pas que Maud soit l'assassin. D'après ce que j'ai compris, ces vélos sont à la disposition des pensionnaires, s'ils en ont besoin. Tu sais si quelqu'un du centre est comptable des emprunts de ces vélos? À mon avis, non. Mais nous pourrons vérifier. J'ai rendez-vous demain avec le directeur du centre pour lui poser quelques questions. Mais allez, basta. Pour Louis, il est temps de changer de conversation et je le comprends, puisqu'il est toute la journée dans ses affaires qui exigent, pour les supporter, un sérieux moral. Alors, quand arrive le soir, il a besoin de réfrigérer la fournaise qui couvre sous le képi. Alors, fait-il en piquant un bisou sur la joue de Paula, qu'est-ce que tu nous mijotes de bon? Un osso buco. Mais pour cuisiner chez toi, c'est la galère. Je n'ai pas l'impression que tu dois te faire souvent bouffer, hein, feignasse? Non mais t'as vu comment elle me parle? Elle respecte l'uniforme. Nous les laissons tous les deux à leur querelle d'amoureux, non sans avoir décroché une invitation de Louis qui se propose de nous faire goûter des tripots à Véronais. Allez, ciao les Marseillais. Tu nous tiendras au courant pour le directeur du centre, parce que Serge et moi nous aurions donné gros pour être avec toi. Pas question de montrer votre nez en ma présence, surtout auprès d'autorités ou de personnalités de la bourgade. Les 2 fois précédentes, c'était différent puisque vous étiez témoin. Mais je n'ai pas le droit de vous faire participer presque officiellement à l'enquête. D'ici à ce qu'on me prenne pour des journalistes et que ça parvienne aux oreilles du proc, je peux dire adieu à mes vacances à Saucelles-les-Pins. T'inquiète, Louis. Je suis sûr qu'avec nos méthodes de carac, on en apprendra plus que toi. Fanfaron, va. T'es bien marseillais, t'es. Mais bien que tu ne le mérites pas, je te raconterai tout par le menu.